repense à ma vie. En vrai, c'était mieux avant. Y'a des gens qui m'envient. Pourtant, frère, j'ai pas d'argent. Toute l'année, toute ma vie, je n'irai devant monsieur l'agent. Vieille pute, t'es banni. Tu fais que parler devant les gens. Pour l'honneur de ma ville, je me dois de rentrer dans la légende. Si à Haja, tu m'appelles, même si on se voit plus depuis des ans. Je serai là toute ta peine, même si demain tu prends 10 ans. Vends les ratés tranquille, vends des meufs rien qu'il descend. C'est pas la joie, je prends une bouteille, je me nique le froid. Même avec des sous, l'amour tu le trouves pas 36 fois. C'est pas la joie, je prends une bouteille, je me nique le froid. Même avec des sous, l'amour tu le trouves pas 36 fois. J'suis solo tard la night, tu la connais, j'pense à ma vie. J'suis râlé tard la night, y'a deux étoiles, j'pense à cette fille. J'suis solo tard la night, tu la connais, j'pense à ma vie. J'suis râlé tard la night, y'a deux étoiles, j'pense à cette fille. Comment j'ai besoin de toi, pas à toi tu me réponds jamais. J'leur ai donné un bras, ils m'ont cassé l'autre comme Jamel. Éclairé par la lune, j'me vois bien faire la une. Faut que je me barre de la hure, ça y est j'en ai marre. Le sourire de ma mère, il vaut plus que le salaire à Neymar. Faut des sous pour ma soeur, pour ça que sur le poignet j'ai pas la haute marre. J'ai mis tout dans mon coin, frérot moi j'aime pas me montrer. Et même si j'ai rien, je te donnerai toujours plus que la moitié. C'est pas la joie, je prends une bouteille, je me nique le foie. Même avec des sous, l'amour tu le trouves pas 36 fois. C'est pas la joie, je prends une bouteille, je me nique le foie. Même avec des sous, l'amour tu le trouves pas 36 fois. J'suis solo tard la night, tu la connais, j'pense à ma vie. J'suis râlé tard la night, y'a deux étoiles, j'pense à cette fille. J'suis solo tard la night, tu la connais, j'pense à ma vie. J'suis râlé tard la night, y'a deux étoiles, j'pense à cette fille.